les bons ou pas? On arrive comme section pull-up, section pull-up. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit, hein? Calme-toi, ma doudou. Les charros sont partout. Envoie ton gachou. Belle ex, ça part en tout coup. Entre toi et moi. Choukou, choukou. Choukou, choukou. Choukou, choukou. Choukou, choukou. Choukou, choukou. Choukou, choukou. Choukou, choukou. Choukou, la petite est dangereuse. Les corons, tes corons m'ont dit qu'il faut cardio. On aime quand y'a de l'enjeu. J'ai follow, follow comme un ismo. J'en fous pour elle, j'prendrai des balles. J'ai pas besoin de gilet pare-balles, même si ça tire. Grite à papa, on répondra. Bibi papa. Calme-toi, ma doudou. Les charros sont partout. Envoie ton cachou. Belle ex, ça part en tout coup. Qui t'a dit que la France n'allait pas bouger sur notre son? Qui t'a dit que l'Afrique n'allait pas bouger sur notre son? Dis-moi qui t'a dit que le monde n'allait pas bouger sur notre son? Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit? Calme-toi, ma doudou. Les charros sont partout.